ivresse la ka envahi nous. Ma roya dans des yeux un cyclone ka vini. Senti ça qu'est difficile de vivre ça. Moi toujours t'en dis, grand monde pas qu'à vivre qu'il grand monde. Même si on pense qu'il bégue ni pièce complète. Qu'il n'y a des moments ça qu'est fini très critique. Mais ça vient moins parler vivre ça et pire du tout. Ou connaître qui sentiment et tout ça moi en vie bas. Imaginez la vie sans pas ni sans pour moi ou non. Écoutez-moi, écoutez-moi, on doit aller. Comme pas qu'à l'été, qu'elle grand monde jour des jours. Lumière encore, on nous allait avant trop tard, on nous allait.